tant de choses que nous ne pouvons pas encore expliquer. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, quatrième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rèze, Darzac, Michel Ruhl, le père Jacques, André Weber. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.